j'ai mal. Ah là là, c'est fort. C'est vraiment fort, très très fort. Cette fois-ci, c'est plus tard que jamais. C'est du Maxi, Maxi, Maxi, Maxi, Maxi. Et Maxi, Maxi, Bouka. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix. Mon âme, moi, c'est Stéphane Doucouré, des amis doux, Saga, la Saga Cité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais j'aime la joie des gens. Oui, j'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'ils me permettent de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très très fort, c'est vraiment fort. Oui, on n'est pas président pour rien, on est président quand on est fort. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort. À la laïe, c'est un rien de courir très fort, mais c'est la rivière qui compte. On va tout doucement, on va tout doucement. Non, hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on ne compte pas sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le présent très très fort, le présent du saga premier très très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça se récompense, ça se récompense, ça se paye, et ça se paye. Ça c'est peint, et ça c'est peint, et ça c'est le compas, ça c'est le compas. Président Malik Toé, venez danser, le saga est arrivé dans la cité. Juste frapper la Côte d'Ivoire, des coups de fusil par-ci, des canons par-là. Tous s'étonnés, on nous annonce la mort de Boka. Marcelin Yassé et du général Guéillo, des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, on a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle, oh, Doucouré ce fameux. Qu'est-ce qu'il a créé? La Saga Cité. On l'a critiqué, on l'a insulté. Pour finir tout le monde en Saga Cité. Il a mis la joie dans nos corps, il nous fait oublier nos soucis. Qu'est-ce qu'il a créé? La Saga Cité. Là où t'as frayé, comment il s'appelle, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La Saga Cité. Il tient de main, comment il s'appelle, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La Saga Cité. Et ton fils, Sylva Djedje? Oui, je suis l'ambassadeur de la joie en Côte d'Ivoire. Le messie de la joie en Côte d'Ivoire. Après avoir montré le coupé décalé, aujourd'hui je viens avec le coupé décalé chinois. Je viens avec la proclamation, je viens avec la certification. Allez, Didier Pico, Didier Pico, Didier Pico, monte par les macus. Oh, Jésus.